Évaluation 1. Cahier page 23. Pourquoi encourager les jeunes à la lecture? Il est nécessaire de développer chez les jeunes le goût de la lecture qui va les aider tout au long de leur vie et qui va les rendre capables de prendre leur place dans la société. Des études montrent que les élèves qui lisent pour le plaisir ont de meilleurs résultats scolaires et un meilleur niveau de vocabulaire, d'orthographe et de style d'écriture par rapport aux autres qui se contentent uniquement des manuels scolaires.